الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، on va continuer بحول الله عز وجل ولازلنا مع سورة لقمان. On est toujours avec سورة لقمان. الشرح l'explication des versets coraniques de سورة لقمان. On avait commencé à partir du verset coranique 12. على كل حال, le dernier cours concernant القرآن الكريم والتفسير القرآن الكريم, on avait traité le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Ça on l'a vu. Wattabi' sabila man anaba ilay. On avait traité ce verset coranique ou cette partie de ce verset coranique. Wattabi' sabila man anaba ilay. Et suit, avec une traduction approximative ici, Allah Azza wa Jalla, il ordonne aux croyants de suivre une catégorie de personnes pour ne pas goûter à la perdition, fi dunya wala fil akhirah. La fi dunya wala fil akhirah. Non, même que ce soit ici-bas ou dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne de suivre quel type de personnes? Wattabi' sabila man anaba ilay. Man huwa al-munib. Qui est al-munib? C'est qui al-munib? Mohamed? واتبع سبيل من أناب إلي, c'est-à-dire suis le sentier de ceux qui se tournent vers Allah Azza wa Jal. D'accord. Donc ici Ibn Qayyim al-Jawziya dit ils ont quatre critères. هذا هو المنيب. أولا, يحبون الله, ils aiment Allah. Deuxième, الاستسلام لله وحده, ils se soumettent à Allah Azza wa Jal. Ils se remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. يدعون الله ويتوكلون على الله عز وجل وحتى عند الابتلاءات وعند المصائب. نعم. Et qui encore? نعم. Ils se détournent de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو المنيب. Et Allah عز وجل, il nous dit واتبع سبيل, سبيل la voie, سبيل من أناب إليه. هذا أمر من أوامر الله عز وجل للمسلمين وللمؤمنين وللمؤمنات. Ça concerne les femmes aussi, les croyants. Allah عز وجل, il nous ordonne de suivre Al-Munib. Ibn Qayyim al-Jawziya رحمه الله تعالى dit, c'est celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si toi tu veux savoir, on a détaillé ici lors de trois cours quel est le vrai minhaj à suivre et qui sont les croyants qui suivent le vrai minhaj, quelles sont leurs caractéristiques. Voilà qui nous dit umuman, de façon générale, si tu veux connaître est-ce que la personne qui est en face de toi que tu côtoies, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كما جاء في الصحيح. Car le prophète a dit ne côtoie qu'une personne croyante et ne mange de ta nourriture qu'un pieux. On l'a dit ce hadith là plusieurs fois. Donc si tu veux savoir est-ce que tu as le droit, est-ce que cette personne que tu côtoies est quelqu'un de bénéfique pour toi ou est quelqu'un de mauvais pour toi. واتبع سبيل من أناب إليه. تذكر هذا القول من ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. Rappelle-toi de cette parole. Ibn Qayyim al-Jawziya رحمه الله تعالى وصف هؤلاء. Il les a décrits cela en disant ceux qui aiment Allah. Celui que tu côtoies, est-ce qu'il aime Allah Azza wa Jal? Mais il faut le prouver. Ça suffit pas de dire j'aime Allah, je crois en Allah, je crois au prophète alayhi salatu wa sallam, je suis musulman. Si ça suffisait de le dire avec la parole, tout le monde, je pense, parmi ceux qui se disent musulmans, iraient sûrement au paradis. Facilement. Pourquoi? Ma huwa ad-dalil? Fi al-qabr, satus'al. Ma'a munkar wa nakir. Man rabbuk? Ma dinuk? Tu vas être interrogé ou pas dans la tombe? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cette personne qui a été envoyée, Mohammed alayhi salatu wa sallam? Si ça suffisait de le dire avec la langue, d'accord? Et en délaissant l'application. Donc, n'importe quelle personne qui se dit musulman, il se dit c'est bon. Même si j'ai pas appliqué, je le connais par cœur, dans ma tombe, je le dirai. Voilà, est-ce que c'est ta langue qui va parler? Ou ici, c'est ce que tu as devancé pour la communauté, c'est ce que tu as devancé pour l'islam, c'est ton amour ici que tu as porté sincèrement vers le prophète alayhi salatu wasalam, c'est tes actions qui vont faire que tu vas dire j'aime Allah, ou alors tu vas dire ha ha ha comme a dit alayhi salatu wasalam. C'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est tes actions, c'est ça qui va te permettre de dire Allah خلاص mon seigneur est Allah. Mais c'est pas parce que tu le connais par cœur ici que tu vas le dire. Donc ici, ce qui nous importe, ce n'est pas simplement de voir une personne qui dit j'aime Allah avec la parole. Walakin, il faut qu'il nous prouve qu'il aime Allah Azza wa Jal. Et comment tu veux savoir si une personne est vraiment sincère quand il dit Uhibbullahi Azza wa Jal, Inni Uhibbullahi Azza wa Jal, Anzur ilayhi inda al-masa'ib wal-ibtila'at. قال جل وعلا حكاية عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما عاشوا الزلازل والابتلاء والمصائب قال عنهم وأثنى عليهم وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال الله عز وجل il a fait le éloge aux compagnons qui au moment des épreuves, au moment des tourments, au moment des malheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'eux, il dit وَزُلْزِلُوا زلزال شديد. Regardez, il dit pas simplement ici ils ont eu des tremblements, c'est-à-dire ils ont vécu des secousses, beaucoup de problèmes. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Avec cela, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ils ont reçu beaucoup d'épreuves. Mais au moment des épreuves, au moment de l'masaïb, au moment des tourments, au moment de la fatigue, au moment des nerfs, au moment de la colère, au moment... C'est là où tu vois les véridiques élémentaires. C'est là où tu vois les véridiques élémentaires. C'est pas quand tout est calme, quand alhamdoulilah la mère elle est calme, quand tout va bien, tu sors de chez toi, tu as fait une bonne douche, tu t'es changé, le frigo il est plein, tu as bien rempli ton ventre. C'est à peu près facile et tu n'as pas trop de gros problèmes. Mais c'est quand il y a des problèmes, quand il y a la fatigue, quand il y a les tourments, quand il y a les soucis, quand il y a les épreuves, que tu vois les vrais croyants. C'est pour ça, à titre d'exemple, ala samil al-mithal. Ici le prophète alayhi salatu wa salam, ou plutôt Omar ibn al-Khattab, vous connaissez le hadith très connu, quand il s'est renseigné sur une personne a dit moi, ça ukhbiruka an fulan, je vais t'informer sur un tel. Omar ibn al-Khattab lui a dit, khlas, est-ce que toi tu as déjà voyagé avec lui? Il a dit là, jamais voyagé avec lui. Est-ce que tu as déjà eu du commerce avec lui, des transactions d'argent avec lui, il a dit non. Khlas, tu peux pas le connaître, tu le connais pas toi. Il a pas pris son jugement. Il a pas pris ici en compte ce qu'il allait dire sur cette personne-là. Pourquoi? Omar ibn al-Khattab, il a montré que quoi? C'est à quel moment que tu connais les personnes? Quand il y a les épreuves. Et est-ce que le voyage, c'est une épreuve? Et est-ce que l'argent, c'est une épreuve? Non. L'argent, c'est une épreuve. Et le voyage, c'est une épreuve. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit, An-safar, qit'atum min adab, ou min al-adab. Ici, c'est une partie du châtiment. Juz, c'est une partie du châtiment à Safar. C'est pour ça que le prophète a dit, quand vous avez fini vos affaires, rentrez chez vous. Le Safar, le voyage, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que tu n'es pas chez toi, tu es fatigué, tu ne peux pas être dans le même confort dans lequel tu es quand tu es chez toi. Donc ici, quand tu es pas dans un certain confort, quand tu es fatigué, quand tu es, ça te pousse à être un peu plus énervé. Quand tu es un peu plus énervé, tu peux dire des paroles que tu n'aurais pas dit quand tu n'es pas énervé. Ayatul munafiq. Ah, il y a des critères de l'hypocrite. Et parmi les critères de l'hypocrite, قال عليه الصلاة والسلام إذا خصم فجر. Quand il se met en colère, quand il se dispute, fajr, خلاص, il perd toute moralité والعياذ بالله. C'est à ce moment-là que tu connais les croyants, les véridiques. C'est quand il y a les problèmes, quand il y a les nerfs, quand il y a la colère, quand il y a les soucis, quand il y a les épreuves, quand il y a... C'est là, à ce moment-là. وَلِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَلِفْ لَا مِمْ أَحَسِبَ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire je crois sans les éprouver? Mais pourquoi Allah il va nous mettre ces épreuves? Et Allah Azza wa Jalla nous le rappelle le pourquoi. Et il dit, on a certes éprouvé ceux qui étaient avant eux afin qu'Allah Azza wa Jalla ils connaissent, et bien qu'Allah il connaît, et il a toujours connu, et il connaîtra toujours. قال العلماء, c'est pour montrer sa parfaite équité et justice au jour de la résurrection, pour te montrer pour laquelle raison tu as été égaré. Lors de l'épreuve, est-ce que tu as flanché, tu as baissé les bras, tu as abandonné ta religion, ou est-ce que tu es resté sur l'istiqama, al-thabat, le raffermissement? Allah il a dit pour connaître les véridiques et les menteurs, pour que toi tu saches, ah, les épreuves. Les épreuves nous permettent de connaître les véridiques et les menteurs. C'est Allah Azza wa Jalla qui le dit. D'accord? Donc tout ce qui va mettre l'insan dans une situation difficile permettra aux gens et à l'insan lui-même de savoir est-ce qu'il est véridique ou pas. Amma quand tout va bien, ou alors quand tu rencontres quelques frères, tu les vois, ils, masha'Allah, La yatahaddath illa bil khair ala fulan mathalan. Il va parler que avec du bien, sur un tel. Mais le frère, il ne le voit que quelques fois. Et quand il le voit, c'est quand c'est raha, quand tu le vois un peu vite fait, par exemple dans tel endroit, ou dans une mosquée, ou dans, et quand il est chez lui, quand tout va bien. Mais le jour, au bout de 10 ans, par exemple, quand il va voyager avec lui, ah, quand il y aura des épreuves, quand il y aura la fatigue, quand il y aura ta'ab, quand il y aura beaucoup de choses, il va voir un autre visage. Et c'est ça, as-safar, ça dévoile. D'accord? La vraie personnalité de la personne. Et donc c'est pour ça que nous disons, on regarde vraiment la personne qui aime Allah. Qui aime. باللسان وبالقلب وبالجوارح والأركان هذا هو الإيمان الإيمان أيها الأحبة قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب والعمل بالجوارح والأركان هذا هو الإيمان ويزيد بطاعة الله وينقص بالمعاصي c'est ça la foi, c'est un ensemble, c'est une parole de la langue, c'est une c'est quoi? C'est une croyance du cœur et c'est une application à travers les membres, sinon ça serait trop facile. Ana min al-muttaqin. Khlas. Sara min al-muttaqin. Ça serait comme ça. Moi je suis pieux. Ça, il est devenu parmi les pieux. Ce serait trop facile. Je suis au paradis. Khlas. Je suis salafi. Khlas. Il fait partie d'Abu Bakr, Omar, Uthman, il est au paradis. Je suis tablighi. Ah, khlas. Il transmet la religion comme il se doit, de la manière qu'il se doit, mashallah, 100%. Est-ce que ça nous importe ici énormément? Le nom, ou ce qui nous importe le plus, c'est quoi? C'est l'application. Il faut que tu prouves. Prouve que tu es sur le minhaj des salafs. Prouve que tu es impieux. Prouve que tu veux le paradis. Prouve que tu aimes Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour savoir si une personne aime Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Parmi les principaux critères pour savoir si une personne aime Allah subhanahu wa ta'ala ou pas, c'est quoi? وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. Celui qui aime Allah Azza wa Jal, il va le craindre. Parce que quand tu aimes Allah Azza wa Jal, c'est que tu l'as connu. C'est que tu as connu Allah. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as connu Allah. Si tu as connu Allah, tu vas aimer Allah. Si tu aimes Allah, tu vas le craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un amour accompagné de crainte subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là, quand il va aimer et craindre Allah Azza wa Jal, quand on va lui dire crains Allah, il va dire Allahumma ij'alni min al-muttaqin. Il va dire Allah, fais-moi parmi ceux qui le craignent pieusement, qui te craignent pieusement, ya Allah. Mais l'autre personne qui n'aime pas vraiment Allah Azza wa Jal, déjà awalan, il va pas accepter que tu lui dises crains Allah. Il va prendre comme ça, comme si c'était quoi? Une critique. Et il va réagir comme les orgueilleux. Akhadathu al-'izzatu bil-ithm. L'orgueil s'empare de lui. Fa hasbuhu jahannam. Regardez, Allah Azza wa Jalla parle de l'enfer pour lui, wal'ayyadu billah. Pourquoi il n'a pas accepté cette recommandation? Ittaqillah. Celui qui aime Allah, dès qu'il va entendre Allah, craint Allah, Allahumma ij'alni min al-muttaqin. Car, at-taqwa, taqwa Allah Azza wa Jalla, a'azam wasiyya. C'est la plus grande des recommandations. Lil-awwalina wal-akhirin, min al-anbiya'i wal-rusul. Hadhi al-wasiyya min Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Wattaqina, wattaqina Allah. À qui il a dit ça, Allah Azza wa Jalla, aux femmes du prophète. Il a dit ça au prophète, alayhi salam lui-même. Crains Allah. Crains Allah Azza wa Jalla. Donc, celui qui aime Allah, il accepte les conseils. Et en plus de cela, il accepte les conseils, mais à travers ses actions, tu vois qu'il aime Allah. C'est-à-dire, il va délaisser ce que Allah déteste. Et il va faire ce que Allah aime. D'accord? Ad-dalil. Et on va rester dans la réalité des choses. Toi, tu vas dire, j'aime mon père, mais tout ce que ton père n'aime pas, tu vas le faire, et en plus, tu vas le faire devant lui. Non seulement c'est la preuve que tu l'aimes pas, mais en plus, tu le provoques, tu le détestes. Parce qu'une personne qui provoque une autre personne, en général, devant lui, c'est qu'il l'aime pas. Mais c'est pas qu'il l'aime pas, il le déteste. Parce qu'il va pas faire ce qu'il n'aime pas derrière son dos, donc devant lui, pour le provoquer. Donc c'est un dégoût, l'iyadu billah. Donc tu n'oserais pas. Tu n'oserais pas. Ton père, il n'aime pas, ou il n'aimerait pas te voir fumer. Te voir mentir, te voir voler, te voir écouter de la musique, par exemple. Te voir avec une fille qui t'est étrangère. Te voir. Et toi, tu viens et tu rentres chez toi avec une cigarette dans la bouche, un verre d'alcool dans les mains, en écoutant de la musique et avec une fille à la maison. On va dire, tu aimes ton père ou pas? Tu as dépassé le seuil, si on peut dire ça comme ça, de l'ingratitude. Voilà, iyadu billah. C'est pire que de l'ingratitude. C'est de la provocation. C'est de la haine. C'est du dégoût que tu as envers ton père, c'est un manque de respect, un manque de bienséance, un manque de politesse. D'accord? Mais si tu fais tout ce que ton père aime, et même dans des choses qui concernent, qui ne sont pas trop importantes, d'accord? Mais ici, toi tu veux vraiment montrer l'amour à ton père, tu vas faire tout pour les mettre en application pour que ton père soit satisfait. Des choses que ton père aime, des détails. Il aime tel type de bonbon, ou il aime telle chose, une petite chose. Même si tu es bien avec lui, tu vas faire tout, c'est-à-dire je vais faire tout pour lui faire plaisir. Il aime ça, je vais lui acheter ça. Pourquoi? Parce que tu veux lui faire plaisir. Et tu veux lui faire plaisir parce que tu l'aimes énormément. Et plus tu vas l'aimer, plus tu voudras lui faire plaisir, et plus tu voudras mettre en application et faire des choses que lui aime. Ça, c'est avec ton père. Que dire avec Allah Azza wa Jalla? Donc si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire ce que Allah aime. Parce que Allah, il te voit. Donc tu es toujours devant Allah. Aime à ton père, ahyanan, parfois tu es devant lui, parfois tu n'es pas devant lui. Allah, tu es toujours devant lui. Wa li dhalika qala Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, quand tu te retrouves seul dans l'obscurité et que ton âme t'appelle à commettre un péché, istahi min Allah azza wa jalla, et honte d'Allah, et honte du regard d'Allah, et dis-lui à ton âme, wa qul li nafsika, celui qui a créé l'obscurité, il me voit, yarani. Même quand tu te retrouves seul dans l'obscurité, pourquoi? Allah, il te voit tout le temps. Huwa as-sami'u al-basir. Allah azza wa jalla, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, il est avec vous où que vous soyez. Allah subhanahu wa ta'ala stawa ala arshihi fawqa sab'a samawat walakin Allah ma'ana bi'ilmihi. Allah azza wa jalla est avec nous avec sa science, de par sa connaissance. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, mais Allah est établi au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux. Na'am. Donc ici, si tu aimes vraiment Allah azza wa jalla, tu vas obéir à Allah Azza wa Jalla et délaisser les actes de désobéissance. Voilà, tu veux savoir si une personne ou la personne que tu côtoies, est-ce qu'il fait partie, d'accord, de l'munibin ici, ou est-ce que c'est une personne munib, est-ce que c'est une personne qui se retourne vers Allah, qui retourne vers Allah et qui est une personne à côtoyer? Regarde les critères. Premier critère, est-ce qu'il aime Allah? Donc regarde ses actes de désobéissance et ses actes d'obéissance. Et regarde comment il accepte ses conseils, et parmi les meilleurs des conseils, ittaqillah, et la meilleure des recommandations. Deuxième des choses, il aime Allah Azza wa Jalla. D'accord? Khalas, prends ses conseils et regarde. La personne que tu côtoies, si elle n'a pas ses critères, écarte-toi de cette personne-là. Et va côtoyer une personne meilleure que l'autre personne. Ça ne veut pas dire que tu l'abandonnes, non. Voilà qu'il n'en parle de qui? Celui que tu côtoies. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil, kama qala al-Mustafa alayhi salatu wassalam. La personne est sur la religion de son frère, que chacun d'entre vous regarde qui il prend pour, comme fréquentation. D'accord? Deuxième des choses. Il aime Allah Azza wa Jalla. Deuxième des choses. Ashkulna. Il se soumet à Allah Azza wa Jalla. À travers ses actes d'adoration, as-salah, il prie déjà, alhamdulillah, encore heureux. Quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il se soumet à Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'il se soumet à Allah Azza wa Jalla? La yasjud lillah, wa la yarka' lillah, wa la yusalli lillah Azza wa Jalla, thumma yaqul, ana alhamdulillah, muslim, mu'min, ana akhafu Allah Azza wa Jalla, naqulu hadha yakdib, hadha yilisi, c'est kadib ala kadib, ça c'est que du mensonge sur mensonge. Donc nous disons, il faut prouver. Donc c'est quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu veux voir que quelqu'un est soumis à Allah Azza wa Jal, regarde comment il réagit quand il entend un ordre divin qui lui-même a du mal à mettre en application. Regarde comment il réagit. Est-ce qu'il va réagir avec complexe, ou bien avec gêne, ou bien quelquefois, wal'iyadu billah, avec dégoût, ou bien il va réagir comme ont réagi les sahaba radi Allah anhum wa ardahum, comme a dit subhanahu wa ta'ala hikayatan an haula les sahaba radi Allah anhum wa ardahum, wa minhum, et à part eux il y a aussi les pieux, les vertueux, jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, des gens réagissent comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sami'na wa ata'na. Il y a pas de oui mais je crois, je vois, walakin nahnu fi hadha al-'asr, yani ça a changé la situation. Oui mais regarde, faut comprendre, il faut سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله نتي c'est clair, il y a rien à rajouter. Il y a pas un grand char à donner ici d'heures et d'heures. C'est clair. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Allah il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, je suis faible, je suis un égaré sur cette situation-là, et je vais faire des efforts pour changer. C'est une chose. Voilà qui nous dit, oui, mais ceci, cela, tes oui, mais tu les gardes pour toi. Ça ne joue pas avec la religion. هذا الدين دين الله عز وجل. Ça, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et Allah Azza wa Jalla dit, certes, l'ouïe, ainsi que la vue, ainsi que le cœur, sur tout cela, tu devras rendre des comptes. Donc quand tu parles, intabih, fais attention. Hadha ad-din dinullah azza wa jalla. Donc ici, quand tu ne sais pas une chose, tu te tais. Ne parle pas au nom du prophète, alayhi salatu wa sallam, comme certains le font, en disant, walakin le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui, il fait ça, ou il a dit ça, parce que, man qala alayya man lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. من قال ذلك عليه الصلاة والسلام سمعنا وأطعنا ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. الله عز وجل dit celui qui obéit au prophète il a obéi à Allah Azza wa Jal. Et le prophète عليه الصلاة والسلام qu'est-ce qu'il dit كما جاء في الصحيح, toute personne qui dit une chose sur moi alors que je n'ai pas dit, est-ce que toi t'accepterais que quelqu'un déforme une de tes paroles juste un peu? T'aimerais bien ou pas? Combien de dégâts ont été causés à cause de quoi? Les déformations. D'accord? Wahad, il va te dire une phrase, le frère il va l'entendre, il va la répéter en rajoutant une petite virgule. Je dis bien une petite virgule. Et vous savez bien qu'une virgule, ça change? Ça change le sens de la phrase. Une virgule. Ouais, ça, si tu dis un mot carrément. Non, nous maintenant, le frère il a dit une phrase, c'est pas on change la phrase, on rajoute deux phrases. Maintenant, c'est ça. On entend une phrase. On déforme pas la phrase. On rajoute deux phrases. Le frère il a même pas dit. Il a pas rire ce qu'il a dit. Non, il a rajouté. Il a, ah non, il a dit ça, plus ça, plus ça. Frère, est-ce qu'il n'a dit qu'une chose? Est-ce que t'accepterais pas? Qu'est-ce que tu dis sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam? Alors que c'est une science, ayo al-ahibba. Al-hadith, c'est une science. Il y a mustalah al-hadith. Il y a une science qui s'appelle al-jarh wa al-ta'dil. Pourquoi elle a été mise en place, cette science-là, ayo al-ahibba? C'est pour préserver al-ahadith, al-sanad. Ici, la chaîne de transmission. C'est pour ça, il prenait la règle de la critique et l'éloge. Il se renseignait, il faisait ilm al-rijal. Ici, il faisait la biographie d'une personne qui avait rapporté un hadith. Après, il faisait une enquête sur lui. Est-ce qu'il est réputé pour oublier? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est une personne qui est réputée pour avoir tel ou tel défaut? Jusqu'à savoir, est-ce qu'il est quelqu'un digne de confiance ou pas? Oui, approuvé, khalas. Quand on le trouve dans une chaîne de transmission, on dit, celui-là, il est digne de confiance. Wahakada, athen, la deuxième, la troisième, là. C'est pourquoi? Pour préserver cette science. Parce que al-hadith, wahi, c'est une révélation. Wa man yuti' al-rasul, faqad ata' Allah, celui qui a obéi au prophète, l'a obéi à Allah. Huwa alladhi la yantiqu 'an al-hawa, alayhi salatu wa sallam. Il parle pas, puis c'est pas sa passion. In huwa illa, wahi yuha. Ah, ce n'est qu'une révélation. Donc, le hadith, c'est une révélation. Ad-dalil, in huwa illa wahyu yuha. La preuve, c'est ça. Ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Donc, le hadith, c'est une source, c'est une révélation aussi. D'accord? Donc, nous disons, il faut le préserver. Donc, on ne parle pas sur la religion comme on veut. Oui, mais il a voulu dire cela. Sami'na wa ata'na. D'accord? Et regarde les gens, celui que tu côtoies, est-ce qu'il réagit comme ça ou pas? Ou est-ce que tout le temps, il essaie de trouver des intermédiaires? Oui, mais non, mais je crois, mais regarde. Ou alors certains. Ouais, mais regarde Foulen. Regarde Foulen, tu as porté toute la religion sur le dos de Foulen, comme si Foulen c'était un prophète. Wala qad kana lakum fi Foulen, fi Abdallah, fi Karim, fi Samira. Ou le prophète alayhi salam il a dit wala qad kana lakum fi Rasulillah, c'est un prophète lui. Ajib, il y a des gens qui disent oui, mais pourquoi Foulen il fait ça? Pourquoi un tel il dit ça alors? Mais vous vous dites ça? Ben moi j'ai vu dans une chaîne TV, il y a des femmes qui s'épilent les sourcils. Et vous vous dites c'est haram. Déjà c'est pas nous qui l'avons dit. Premièrement c'est le prophète. Et deuxièmement c'est pas elle qui a été envoyée par Allah Azza wa Jal pour transmettre la religion. D'accord? Regardez jusqu'où va al-jahl wal-iyadu billah. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Qul ici, qala rasulullah alayhi salatu wa salam al-aksi akhi al-habib. Le prophète il a dit l'inverse de ce que tu m'as dit. Khlas. On va rentrer dans un débat religieux. Il n'y a pas de problème. Walakin pour que tu me compares. Ou alors tu mets toute la religion sur le dos de Foulen ou la Foulena, qui passe dans une chaîne TV, ou alors Foulen parce que, je sais pas, il a une barbe et il a dit une chose, donc on doit prendre, yani, fiqa, il fait partie de Sahaba, ou je ne sais quoi, pour toi. C'est un égarement, jahlada, c'est une ignorance. Nous, on dit, notre référence, c'est qui? Al-Qur'an, Al-Karim, et la sunna du prophète, Muhammad. C'est pas lui, Muhammad, alayhi salatu wassalam. Bi fahmi salaf al-umma, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم الصحابة خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكلهم من السلف فتوس بارتي دو السلف خلاص. دونك نو ديزون سي اون اوتر ريفيرونس. دونك إلزام الله سيتادجير إلزام الله ها سيتادجير إلزام الله إل سي لوان دو سو كو الله عز وجل يديتست إلزام سو كو الله أم. Ils se soumettent à Allah. Quand ils entendent un verset coranique ou un hadith du prophète alayhi salat wa salam, sami'na wa ata'na. Troisième des choses. C'est quoi la troisième des choses, on a dit? Ah, ils retournent vers Allah Azza wa Jal. D'accord? Quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils disent? Ya Rab. Wa ala Allahi falyatawakkali. المؤمنون الله عز وجل يتي سيون الله كو بلاس لا كونفيونس كي لي كرويون. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك. داكوغ الله عز وجل يجي البروفيت عليه الصلاة والسلام يجي عبد الله بن عباس يا غلام. غلام سي كي الغلام؟ الغلام سي كي اون اسلام سي ان بيرسون كي رونت ان ادوليسونس. داكوغ دونك يلو دي احفظ الله يحفظك. Préserve la religion, Allah la préserve. D'accord? Ihfadillah, préserve Allah, c'est-à-dire préserve sa religion, et par cette cause-là, Allah il va te préserver. قال العلماء, si toi tu préserves la religion d'Allah Azza wa Jal, as-salawat, as-zakat, al-amru bil-ma'ruf, al-nahi anil munkar, al-ibti'ad min al-ma'asi, wa min al-kabair, wa min al-saghair, Allah Azza wa Jal, il va te préserver toi et ta famille. خلاص, Allah il va s'occuper de toi et de ta famille. Mais si la condition à char, ihfadillah, ihfad. D'accord? Ihfadillah, ihfad. Plus loin, le prophète a dit à Abdullah ibn Abbas, wa idha sa'alta, fas'alillah. Wa idha sta'anta, fas'ta'in billahi azza wa jal. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu cherches secours auprès de qui? Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous cherchons secours. On implore le secours auprès de qui? Allah. Pas le shayatin, pas les djinns, pas le kohan, pas le sahara, pas. Walakin auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa iyam saskallahu bidur, fala kashif alahu illa. Illa hu. Donc pourquoi tu vas chercher un intermédiaire? C'est Allah. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'in idha da'an. Ici, il accepte les invocations de celui qui l'invoque. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah Azza wa Jal dit pas au prophète Qul. Non, il répond directement à Allah Azza wa Jal. Inni qarib. Je suis proche. Donc, si Allah il te dit il est proche, Allah il a, le prophète Ali Sousmi il a dit Ibn Abbas, demande à Allah. Et il te dit, Allah Azza wa Jal, wa man yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbu. Celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah le suffit. Donc, ici, la solution, et toutes les solutions sont auprès de qui? Allah. Donc, c'est la personne qui, dès qu'il a des problèmes, avant de chercher mille intermédiaires, il va lever ses mains et il va demander Ya Allah, Ya Rab. D'accord? Donc c'est, comment on va reconnaître cette personne-là? Cette personne-là, comment on va la reconnaître? Nous, on va dire, mais moi, je sais pas. La adri. Hal huwa yarfa yaday yani ila as-sama? Hal huwa yaqum bil-layl? Hal huwa est-ce qu'il fait la prière de la nuit? Est-ce qu'il lève ses mains au ciel? Est-ce que, عند المصائب, عند الابتلاءات, au moment des problèmes? Ou est-ce qu'il demande, comment je vais savoir? Regarde, on va il a shakwa, la plainte. Est-ce qu'il se plaint beaucoup ou pas? Ash-shakwa min Allah azza wa jal, comme tu sais, comme tu sais, يعني haram, la yajouz, c'est interdit. Je vois, moi j'ai ces problèmes, pourquoi Allah il me donne toujours à moi? Pourquoi hada wal iyadu billah? Ça c'est de l'ingratitude envers Allah azza wa jal. Et ça c'est des paroles de kufr, de mécréance. Et toutes paroles de mécréance ne font pas toi un mécréant, mais c'est des paroles de mécréance. C'est comme si tu disais, Allah, tu n'es pas juste. Allah, tu n'es pas équitable. Ya Allah Azza wa Jal, tu n'es pas Ar-Rahim avec moi. Alors que Allah Azza wa Jal, c'est lui, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, ala l'arshi istawa, bismillah, bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa kataba jalla jalaluhu, kama ja'a fi sahih muslim. Fi kitab, wa huwa indahu fawqa l'arsh, inna rahmati, ghalabat ghadabi. D'accord? Le prophète Ali Soussam, il a dit dans Sahih Muslim, Allah a écrit dans un livre, wa huwa indahu fawqa al-arsh. Parmi les créations d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi quelle est la création parmi les créations d'Allah Azzawajal qui est la plus haute? Inna Allah Jalla wa Ala fawqa kulli shay. Allah Azzawajal est au-dessus de tout. D'accord? Mais on ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle parmi les créations. C'est quoi? L'être humain. Tu n'arrives même pas à sauter 3 mètres, toi tu es au-dessus de quoi toi? L'être humain. Tu fais 2 mètres, toi tu es au-dessus de quoi? Tu n'es même pas au-dessus d'une girafe. L'être humain, l'insan, c'est qui? Al-Arsh. C'est Al-Arsh. Wallahu jalla wa ala khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam. ثم استوى على العرش فوق الجنة au-dessus du paradis il y a un arche et au-dessus de l'arche il y a quoi? Il y a un livre. Il y a un livre. هذا الكتاب إن الله كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش. Donc الكتاب فوق العرش قول الراجح من أهل العلم. Le livre il est au-dessus du trône. Donc parmi les créations d'Allah Azza wa Jalla, ce qui est la plus haute, c'est ce livre. Regardez, subhanallah. Et dans ce livre, il est écrit quoi? Ma miséricorde dépasse ma colère. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Al-istiwa ma'loum. Wal-imanu bihi wajib. Wal-su'alu anhu bid'a. Wal-kayfu majhoul. Laysa kimithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. D'accord? On sait qu'il s'est établi. C'est connu. Comment? Allahu a'lam. La question en cela est c'est une innovation. Et ici, la croyance en cela obligatoire. Ad-dalil. Allah l'a dit dans le Coran. Allez au-dessus de ça. Qad dakhalta fi ilmi al-kalam. Kal ash'ariya wa al-ahbash wa ghayruhuma ya'ni min al-tawa'if. Ici, tu es rentré dans la science de quoi? Tu es rentré dans la philosophie. Tu es rentré dans les délires. Parce que ici, est-ce que salaf, ils ont été plus loin que ça? Est-ce que salaf, ils ont dit, walakin Allah Azza wa Jal, comment il s'est établi? On peut pas dire qu'il s'est établi comme ça, ils sont, non. On croit, sami'na, wa ata'na, on a entendu, on a obéi, khlas. As-salaf, ils sont pas rentrés dans les détails, walakin l'iman obéi wajib. T'as pas le droit de rentrer dans les détails, walakin, kayfa dhalik, wa, subhanallah. Ça te dépasse, ya Abdallah. Kama qalat Aisha radiallahu anhu wa ardaha. Naam, wa min al-a'imma al-imam Malik rahimahullah ta'ala. Même Aïcha a répondu comme ça que c'est des choses qui nous dépassent, on ne peut pas aller au-dessus. Toi, rester fixé une lumière de 60 watts pendant une minute, tu vas avoir mal aux yeux, tu vas. Même le paradis, tu ne peux pas l'imaginer. Il y a au paradis ce que œil n'a jamais vu, ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Le paradis, tu ne peux pas yani, imaginer le paradis. Mais pourtant, il existe et on y croit. D'accord? Ça, c'est une création parmi les créations d'Allah, le Jannah. Que dire d'Allah lui-même? Subhanahu wa ta'ala. Khlas. Nous, on y croit, voilà qu'ils ne rentrent pas dans les déformations, na'an, at-ta'wil, at-ta'til, at-tashbih, etc. Non, khlas. Sami'na wa ata'na. Khlas. Donc, ils aiment Allah Azza wa Jal. Wadih. Deuxième des choses, ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième des choses, ils se remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a des problèmes, là, il termine le chakawa. Il n'augmente pas les plaintes tout le temps. Walakin, moi. Même s'il se plaint, pas d'Allah Azza wa Jalla. Walakin, al-shakwa illa Allah Azza wa Jalla, jaiz. Comme a dit Ya'qub alayhi salam, innama ashku bathi wa huzni illa Allah. Donc, Ya'qub alayhi salam, il s'en est remis à qui? Allah Azza wa Jalla. Donc, se plaindre à Allah Azza wa Jalla, c'est accepté. Mais le fait de répéter ce qui t'arrive beaucoup aux gens, même si tu te plains pas d'Allah, mais tu dis, moi, regarde, j'ai eu ça, mais alhamdulillah. Voilà qu'ici, al-ulama, ils disent, évite de te plaindre beaucoup auprès des gens. Tu peux le faire. Voilà qu'il trop, non. Yani, hatta takun min al-ladhina, yani, waqa'u fi hadha al-sabr. Sabru al-jamil. Al-sabru al-jamil. Allah Azza wa Jal a parlé de la belle patience, c'est celui qui quoi? S'en remet à Allah Azza wa Jal totalement. D'accord? Il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Innama ashku bathi wa huzni ila man. Ila Allah, directement Allah. Et quelquefois ça fait du bien de répéter les problèmes aux gens, il n'y a pas de mal. Mais il faut éviter de trop le faire. Que dire de le fait de se plaindre d'Allah Azza wa Jal? يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى على فراش الموت وكان يئن. سي كوا كان يئن؟ il faisait des gémissements tellement qu'il souffrait. الإمام أحمد الإمام السنة tellement qu'il souffrait وهو على فراش الموت. جاءه رجل وقال سمعنا من طاووس. On a entendu de طاووس que الملائكة ils écrivent tout, même le gémissement. Il a arrêté. Sakat. Il a arrêté tout de suite. Alors qu'il était quoi? Alors que c'est autorisé. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit inni la u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Ici, je souffre comme souffre deux d'entre vous. Les ulama, ils ont dit quand t'as mal à la tête, comme elle a dit Aïcha radiallahu anha warda, oh ma tête moi aussi. Ici, quand t'as mal quelque part, tu peux dire j'ai mal à la tête. Jaïs. Voilà qu'il ici trop le faire. Regardez. Ici, ils ont dit Taous a dit, regardez son état à notre époque. Sur état à notre époque, quelqu'un est sur le lit de mort, il est en train de faire et quelqu'un veut dire écoute mon frère, le mieux c'est que tu sois. Parce que écoute, ici le malaka il est rapporté, ils écrivent tout. Les gens ils vont dire Adam Jnoun, Adam est en train de souffrir. Il est dans à la firashil maud. Celui-là il vient, il nous casse la tête avec oui, les malaka ils écrivent tout, mon frère laisse-le tranquille. Mais regardez, eux ils avaient quoi? Comme a dit Ali Soussam, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira. Il n'y a pas de vie si ce n'est la vie de al-akhira. La vie de l'au-delà, c'était leur principal souci, ils étaient toujours leur cœur raccroché à l'au-delà. Eux, ils savaient très bien que c'était comme قال, يعني, comme il a été dit ici, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. C'est qui l'a dit ça? Donc ici, soit dans la vie d'ici-bas, comme quoi? Comme quelqu'un de passager. Ou comme un étranger, ou bien comme quelqu'un de passager. Eux, pour eux, c'était un passage classe. Donc, tout ce qui était bénéfique pour eux, même s'ils étaient sur le lit de mort, ils prenaient. Prenez pas ça comme un mal. Laisse-moi tranquille. Non, au contraire. Mais maintenant, quand on parle avec ilm, et avec la tête sur les épaules, et avec le cœur bien placé, et bien rempli comme il se doit de iman, mach'ala, et de ilm, est-ce qu'on va dire à la personne qui va dire ça à cette personne-là, il lui veut du bien ou pas? Et est-ce que c'est mieux pour lui qu'il ait des personnes comme ça dans son entourage ou pas? C'est mieux pour lui, tant mieux. Il va peut-être me dire une chose qui va m'être bénéfique dans quelques heures, dans quelques minutes, c'est l'ikhlas. Il va délaisser cette vie d'ici-bas. Il va mourir, ça y est. Comme le nafs, dha'iqatu al-maut. Tout homme va mourir. Et ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer dans l'akhirah. Là, c'est simplement, c'est comme si tu veux, tu prends, c'est une... Simplement, c'est un déguisement, si on veut, ou c'est quelque chose que tu vas... Yani, c'est un habit, si tu veux, cette vie d'ici-bas, tu vas laisser. À la kulihal, tu vas partir, tu vas laisser tout derrière toi. Pour ça, le prophète Asim, il a dit, quand la personne est enterrée, il y a trois choses qui le suivent. Il y a sa famille, c'est bien, et c'est Al-A'mal. Il y a deux qui reviennent, et une chose qui reste. Al-A'mal vient avec toi. Mais c'est quoi qui revient? Les biens et la famille. Les biens et la famille. Donc, khalas. Donc, c'est comme si c'était un vêtement, tu tires, tu le laisses, et plus rien. Même s'il était beau, même s'il était bien embelli, même s'il va aller cher, tu vas le laisser. Tu vas pas venir, tu vas pas le prendre avec toi. Cette vie d'ici-bas, tu la prendras pas avec toi. D'accord? Voilà qu'une tes actions, et Abdallah, tu les prendras avec toi. Et regardez comment il réagissait. Sakat. Il a tout de suite arrêté. Certains savants se disent par peur de quoi? Que ça soit pris comme une plainte. Que ça soit considéré comme des plaintes. Subhanallah. Où sommes-nous, nous, par rapport à Haoula? Donc tu veux voir quelqu'un qui retourne vers Allah Azza wa Jal, qui se remet à Allah Azza wa Jal, c'est celui qui, tout de suite, il dit Ya Rab. Et il ne va pas se plaindre beaucoup. Il y a des gens tout de suite. Allo, salam alaikum. Alaikum salam, wallah, mon frère, je suis fatigué. Wallah, l'adim, j'arrête pas de trucs. Deux heures après. Salam alaikum. Wallah, je suis fatigué, akhoya. Wallah, denya wa ara, akhoya. La sœur. Salam alaikum. Wallah, je suis fatigué. T'entends 500 fois dans la journée, peut-être je suis fatigué. Amma, alhamdulillah. Ya'ani, alhamdulillah. Regarde dans ni'ma, on est. Regarde, prophète Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Anzuru ila man huwa. Asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Et regarde, Allah, Azza wa Jalla, dit, si vous me remerciez, vous êtes reconnaissant. La azidannakum, je vais être reconnaissant. Alhamdulillah, ala kulli hal ya Abdallah. Envoie la Souria. Envoie la l'atfal. Envoie la nissa fi Souria. Est-ce qu'on dit ça quand on parle comme ça entre nous, alhamdulillah? Regarde ce qui se passe en Syrie. Regarde les enfants. M'sakin, je vais me plaindre parce que mon fils, il est un peu malade. Mais regarde le fils, M'sakin, qui est en train de pleurer jour et nuit parce qu'il a perdu sa mère et son père devant lui. C'est comme ça qu'on devrait réagir. Voilà qu'il ici, quand tu vois une personne qui se plaint beaucoup, et toi aussi, ma sœur, une sœur qui se plaint beaucoup, elle a un des critères, du moins, et c'est le moins qu'on puisse dire, qui est en moins. Ce critère-là, qui aurait fait d'elle une personne qui est bonne à suivre. Et le dernier des critères, c'est quoi? Il se détourne de tout autre que lui. خلاص. Il se détourne de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, son souci principal, c'est de satisfaire Allah azza wa jalla. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها. معاوية. Elle lui a recommandé quoi? Elle lui a recommandé de délaisser la satisfaction de qui? Des gens. Des gens. Les gens, ils seront jamais satisfaits de toi. Délaisse la satisfaction des gens. Mais cherche la satisfaction de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lui a rappelé que si tu cherches la satisfaction d'Allah azza wa jal, tu auras un résultat. Allah qui sera satisfait de toi. Annas wal malaika. Il y aura Allah qui sera satisfait de toi, les anges, et qui? Et les gens, même les gens. Wallahi, quand tu veux faire ça, tu veux satisfaire les gens. Attention, dans une chose qui ne satisfait pas Allah Azza wa Jalla, mais tu dis non, khas, Allah n'aime pas, mais au moins les gens ils vont être contents. Wallah, à la fin, ni les gens seront satisfaits de toi, bien plus que cela, tu verras qu'ils seront ingrats envers toi, et tu n'auras pas du tout la satisfaction des anges, mais peut-être sûrement la colère d'Allah Azza wa Jalla et des anges. Mais quand la personne dit khlas, ils sont contents ou pas contents, avec tout le respect que je dois aux gens qui ne sont pas d'accord, moi je cherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, tu seras encadré bi-idnillah Azza wa Jal par le hadith authentique où le prophète alayhi salatu wa salam a dit quand Allah Azza wa Jal aime une personne, il dit à Jibril, ya Jibril, uhibbu fulan, j'aime un tel, aime-le. Jibril l'aime. Et il dit aux anges, al-malaika, inna Allah Azza wa Jal yuhibbu fulan, Allah aime un tel, aimez-le. Et Allah descend l'amour dans le cœur des gens envers cette personne. Mais Allah Azza wa Jalla t'aime quand toi tu l'auras aimé. Et quand toi tu te seras détourné d'autre que lui. Quand toi tu auras voulu satisfaire d'abord avant qui? Avant tout? Allah Azza wa Jalla. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Et Allah Azza wa Jalla fera que les anges t'aimeront. Ah, pourquoi? Parce qu'il dit, ah, il dit à qui? À Jibril. J'aime à tel, aime-le. Et Jibril il dit à qui? Aux anges, aimez-le. Les anges ils t'aiment ou pas? Ils t'aiment. Des anges qui t'aiment. Des anges qui t'aiment. Il y a combien d'anges? Allez. Il y a combien d'anges? Hein? La ya'lamu junud rabbika illa hu. Personne ne connaît l'armée de ton Seigneur si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Des milliers, des milliers. A'la sabil al-mithal, baytul ma'mour. Baytul ma'mour, c'est quoi baytul ma'mour? La Kaaba céleste qui est au-dessus de la Kaaba actuelle. Et au-dessus des cieux. Et ici, dans cette Kaaba, Il y a combien d'anges qui rentrent chaque jour? 70 000 anges qui rentrent chaque jour dans la Kaaba, mais continuent. Qui ne reviennent jamais. Qui reviennent jamais. Allez, compte. 70 000 anges qui rentrent tous les jours. Ça fait des milliers d'années qu'on existe. 70 000 anges qui rentrent tous les jours. Chaque jour, 70 000. Et ils reviennent jamais. Donc c'est des différents qui rentrent à chaque fois. D'accord? Maintenant, on a bien compris, il y a des milliers, des milliards et des milliards et des milliards d'anges. C'est quoi la distance qu'il y a entre la lobe, et ici, on ne les assimile pas à nous, les anges. Walakin kama ja'a fi sahih, ici, il est rapporté qu'il y a une distance entre lobe d'un ange, et quoi? Et son épaule. Ah, lobe et l'épaule. Ça, je parle de moi, hein, de nous, l'être humain. On va avoir une idée. Lobe et l'épaule. D'un ange, hein, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui sont au service d'Allah Azza wa Jal. Ils mangent ou ils ne mangent pas? Ils ne mangent pas. Est-ce qu'ils dorment ou pas? Ils adorent Allah Azza wa Jal jour et nuit. Il n'y a pas une distance de quatre doigts comme Ja'a fi Sahih où il n'y a pas un ange en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Des milliards d'anges. C'est quoi la distance? On prend juste un ange. La distance entre l'homme d'un ange et son épaule, une distance de combien d'années de marche? 700 ans. 700 ans de marche, 700 ans de marche, une distance de 700 ans de marche, juste la distance, c'est pas tout l'ange, juste la distance entre l'aube et l'épaule d'un ange, Malak. Et regarde, la puissance de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ils sont tous soumis à Allah Azza wa Jalla. Et ils adorent tous Allah Azza wa Jalla, de jour comme de nuit. Est-ce qu'Allah il a besoin de toi? Après cela, est-ce qu'Allah il a besoin? Là, on se rend compte qu'on n'est rien, nous. Qu'on n'est rien et on dit, Alhamdulillah, alladhi ja'alana min al-muslimin wa min al-muwahhidin. On loue Allah Azza wa Jalla qu'il a fait de nous des personnes qui l'adorent, qui sont musulmans. C'est un honneur. Allah Azza wa Jalla a des milliards d'anges qui l'invoque, qui le glorifie de jour comme de nuit, Allah t'a choisi. Et tu es musulman. Tu dis, alhamdulillah. Et sois reconnaissant vers Allah Azza wa Jal. Allah, il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le malaïka qui t'aime. Si les anges t'aiment, c'est pas un qui a cette ampleur. Un, des milliards, des millions, peut-être, ils t'aiment. Que dire si on te dit que Allah lui-même t'aime? Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, si tu veux être aimé par Allah Azza wa Jal, tu dois chercher à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَاءَ فِي الصَّحِيحِ Le prophète a.s. il a rappelé que le serviteur, les meilleures des actions, les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, que le serviteur fait, c'est les actions obligatoires. D'accord? Et ensuite, le prophète a.s. qu'est-ce qu'il a rapporté dans le hadith? Le serviteur ne cesse de faire des actions surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ah, Allah, il t'aime. À travers quoi? Les an-nawafil. Les actions surérogatoires. Jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche, son oreille avec laquelle il entend. C'est pas Allah, il est ton oreille, mais il te permet d'entendre que les bonnes choses, les choses aimées et agréées par Allah Azza wa Jal. Aller dans les endroits aimés et agréés par Allah Azza wa Jal. Prendre les choses qui sont aimées et agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va t'octroyer al-basir, la clairvoyance. Bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, nous disons, voilà comment tu vas reconnaître la personne que tu dois fréquenter. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ مَنْ يُحِبُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ كَمَا يَنْبَغِي وَهُوَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ Il est sur la soumission. لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ Et la troisième des choses, on a dit, il se remet à Allah عز وجل. Il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. عِنْدَ الْإِبْتِلَاتِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ Il a الثَّبَاتِ Et il est obligé pour nous d'avoir الثَّبَاتِ, le raffermissement. Vous avez l'histoire avec Talut et Jalut, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont rencontré la troupe ennemie? Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawm al-kafirin. Allah, déverse sur nous la patience, wa qala jalla wa 'ala wasbir wa ma sabruka illa billah. Même la patience, tu peux patienter qu'avec l'aide d'Allah. Et ici, raffermis nos pas. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jalla toujours de te raffermir tes pas. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi 'ala dinik. Oh, toi qui tournes les cœurs, laisse mon cœur dans la religion, tu te retournes vers Allah Azza wa Jalla. Et dernière des choses, tu te détournes de tout autre que lui. Khalas, tu es là pour satisfaire Allah avant les gens. Tu dis pas, oui mais les gens vont dire si je fais ça. Oui mais les gens vont dire, ouais mais Foulane, elle va dire pourquoi tu fais ça. Ouais mais mon copain et ma copine, elle va dire ceci. Subhanallah ya Abdallah. Yawma yafirru al-mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibati wa bani. Que dire de ton copain qui est loin ou ta copine ou je ne sais quoi. Quand je dis copine, je parle des sœurs, hein. Normalement. Et ici, Allah il dit dans le Coran, un jour le frère va faire de son frère, de sa conjointe, de ses enfants, de son père, de sa mère, de... Donc, qu'est-ce qui t'importe? Tu crois que quand on va te laver, ici, la personne va dire, khlas, je veux prendre sa place. Même celui qui t'a aimé beaucoup. Il va dire, moi je veux prendre sa place, je veux mourir à sa place. Wallah, même s'il dit avec la parole. Si Allah envoie Malek al-Maut et qu'il lui parle, Wallah, il va faire demi-tour, il va partir à 300 à l'heure. Il va prendre la fuite. Moussa alayhi salam. Allah, il a envoyé Malek al-Maut. Qu'est-ce qu'il a fait Moussa alayhi salam? Il lui a crevé un œil, il l'a tranché. Il a giflé. Ba'd al-ulama, certains savants, ils disent, c'était quoi? Crainte de la mort, al-Maut. Que dire de moi ou de toi? Allah al-Musta'an. Khlas? والله تعالى أعلم الحكام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين